qui se passe. Ça se verra pas, on dira c'est fait exprès. Il peut y avoir des accrocs. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il y a, Alphonse? Oui. Ah, c'est mieux. Ah, c'est Radio Decati. Oui. Donc, c'est, on remercie bien les gens de Prune qui sont bien sympathiques de nous avoir prêté les locaux pour qu'on fasse une émission de radio. Radio Decati. pour nous, les moins jeunes, les seniors, quoi. Et hop, on envoie un jungle. Alphonse, ou pas. Appuie sur le bouton, Alphonse. Faut cliquer. Je peux pas. Appuie. Faut cliquer. Oh, Alphonse, quand même, t'exagères, hein. Je peux pas. Papy, je vais t'aider, papy. Ah, voilà le petit Marco. Il est bien gentil, ce petit Marco. Il est bien sympathique. Oui, il est mignon. Ça, il aide son grand-père. C'est pas comme tous les petits-fils. Hein. Non, ça, c'est vrai. Du wav. Je comprends pas. Du wav. Appuie sur douave. Il faut lui dire, où cliquer, parce qu'autrement il sait pas faire. Faut lui dire où cliquer, faut pas lui expliquer. Aïe. Appuie sur aïe. Radio Decati pour nous les vieux. Ben voilà, donc c'était ta voix. Vous aurez. Ah oui, c'était ma voix. Je suis venue avec le petit Marco en studio. Alors pour enregistrer. Alors vous aurez compris que c'est une émission de radio où on va parler de tout ce qui concerne un petit peu les vieux. Les seniors. Les seniors, comme on dit, oui. Donc, on aura un petit peu... je commence à avoir un petit peu la tremblote. C'est pas grave, André. Continue. Ça t'empêche pas de parler, hein. Alors, donc... Ouais, c'est vrai. On aura... donc, on parlera un petit peu des petites news. Ce sera Des quoi? Des potins. Ah oui, des potins. On parlera un petit peu de tout ce qui se fait dans le... De bien dans le coin. Oui, dans le coin, puis ailleurs dans aussi. Dans le quartier. Bah oui. On fera une dédicace à tous nos amis qui ont disparu durant les deux dernières semaines. Oui, d'accord. Et on sait qu'ils sont nombreux. Oui, on les salue on au les passage. Salue. Oui, bonjour. Et puis peut-être qu'on parlera un petit peu de sport. Ah. Ou alors du Tour de France. André, calme-toi un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, donc, maintenant, on va écouter la musique. Oui. Si, Alphonse. Oui. On va se passer un petit morceau de musique. C'est quoi? Oui. Trouve-nous quelque chose de bien, Alphonse. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ton disque, là? Paris. Oui, ça, Paris, c'est bien. Une belle ville. Paris-Clément. Oui. Hein? Hein? Paris-Clément. Paris-Clément? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un disque à prune. Hein? Ça. Parlez pas, ça me déconcentre. Je vais mettre le disque. Y a pas de saphir. Il est 4 heures. C'est l'heure du goûter. Je... Voilà. Alphonse, là... dépêche-toi. Il veut manger mon disque. Oh. C'est tout petit. Oh, il m'énerve. Il est tout petit, le Marco, disque. Il est tout brillant. Dis-lui je où passe il Paris Clément, moi. Il sait pas. Laissez-moi passer Paris Clément. C'est un CD. Je veux pas aller à l'hospice. Un CD. Je veux pas aller à l'hospice. Calme-toi, Alphonse. Ah, Alphonse. Oh, t'as juste appuyé sur le bouton. Il n'y a pas des petits diamants. Il y a juste là. C'est je veux pas aller à l'hospice. Depuis que sa femme a disparu, il est un petit peu chamboulé. Mais c'est bien normal, mais quand même, il exagère. Il le fait exprès, moi je dis. Il a plus toute sa tête, mais des fois il l'a quand il faut, il hein. Il tourne un peu en rond et puis. Oui, mais regarde-le avec la petite infirmière, la Jennifer. Il sait très bien ce qu'il a dans la tête, c'est hein. C'est des trucs de gars, tu peux pas comprendre, mais toi. Mais si je peux comprendre, non. Figure-toi. Non. Qui? C'est rien, Alphonse, mets ton disque. Je. Oui. C'est parti là. Oh, faut plus parler maintenant sur un disque. C'est de la belle musique. Faut arrêter de parler. C'est de la belle musique. Sauve les boutons.